Vous connaissez Cambodia? Kim Wilde? J'ai fantasmé sur elle quand j'étais gamin. The girl I ever seen, he used to cry so much, I really love her. course war. He used to fly, we came, he wasn't easy to lie. But then he turned around and he began to jump. She didn't want him there, she didn't think he was straight. But then he go, he called, he had to leave an eye. He could have said to me, but it will be alright. He didn't need to fall, and meet the next night. Had a job to do, flying to Cambodia. Vas-y, mets une batterie si tu veux. Attends, j'en mets une, 120. Allez, on l'a fait avec une batterie. Moi, c'est toujours mes mêmes batteries. Alors, attention. Toujours les mêmes batteries. Je l'ai fait partir en KRSM. Des chants, après j'arrête pour faire des pour les solos. J'ai mal à la gorge. Aïe aïe aïe. Attends, j'ai enlevé mes trous d'hommes. Je sais pas. Faut que tu joues. Allez, dédicace. Mon frère, Fred. Go, he had to leave her. Bon allez, on en fait une autre. C'était super. Moi j'ai bien. Moi j'ai pris du bonheur. Il y en a une autre de Kim Wilde. Crazy kids in America. Non, ça c'est un peu compliqué ça. Looking out the dirty old window, door below the carpet of Strigo. Non, celle-là, je sais pas la faire. With the kids in America. Oh, with the kids in America. Ah, je fais un peu le refrain là-dessus. Ça. Donc, ça, c'est. Ça, je suis pas sûr de le faire. Hein. Pas sûr, hein, celui-là. Que le refrain. Sol, ré, sol, ré, sol, la. Whoa, but is it just in America? Whoa, listen to the music. Oh, oh, oh. Ah oui, si, peut-être je peux la faire, celle-là. Pas la faire ça, c'est dommage, j'aime bien en plus. Bon, on va la zapper parce que je sais pas faire ça. Dommage. Ouais, j'aime bien ça là. We found my bridge. We found a bridge. We found a bridge. Can't take anymore. Ah putain, dommage, je la connais pas non plus.